Ta stéréo, c'est la cerise sur le gâteau, la trappe négo. C'est pour les meufs et mes potos, ça danse en duo. Funky sous le rap disco. Dans les discothèques, c'est ce qu'il nous faut. Pépère, vas-y, bouge, mets mon impro. J'suis pas le macro, t'es ma béflan, fais pas le macro. Rends-nous ton mot bas comme sur le macro, ça. Mette le box, c'est fait, c'est le son à 18 carats. On nique le bonnet. Des idées au dance floor. Nique le bénéfice. Dans les concerts ou sur les dance floors, est-ce que tu sens la panique? Doudou Masta porte le décor. Si c'est bon, tu dis, nique le bénef, je veux encore. Django Afro, Doudou Masta, on donne ça, c'est dans la. Mets-toi à l'aise, mets-toi à l'aise. Qui peut refuser? Qui peut refuser? Mets-toi à l'aise. Ça bouge en tout cas. Des idées au dance floor. Nique le bénef. Dance floor. De toute façon y'a que ça à faire. Nique le bénef. On nique le bénef. En plus la tête kick sur le step. Step by step en concept. Reçois nous 7 sur 7. Dreadlocks, ramassé tête grenée. Y'a des belles black belles, blondes belles, dismées. Là, je crois que tout le monde est VIP, tu sais. Même en solo, tu peux cadencer. Dis-moi, où elle est ta meuf, elle danse en premier gao. Ramène-la ici, swingé sur du bon doudou. Aphrodisiaque, Django Jack, balance le coup. Aïe dans tous les charts, j'avoue. L'idéal pour enclencher sans chat, j'avoue. RND, j'ai vu, c'est pire que la balle, ça tue. Si tu veux, arrose même tout le monde si tu pèses. Rap sans malaise, y'a pas de malaise. C'est son qui nique le bénéf, mets-toi à l'aise. Pépère, posé, mets-toi à l'aise. Des idées au dance floor. Nique le bénéf. Y'a que ça à faire. Nique le bénef. On nique le bénef. Des idées au dance floor. Nique le bénef. Dance floor. De toute façon y'a que ça à faire. Nique le bénef. On nique le bénef. Des idées au dance floor. Nique le bénef.